écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis qui m'écoutez, je vous salue fraternellement et amicalement. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. À travers le message d'aujourd'hui, je vais dire certaines choses qui ne seront ni religieusement, ni politiquement, ni charnellement, ni académiquement correctes. Mais c'est avec amour que je le dirai. Je suis aussi conscient de mes multiples limites théologiques. Je n'ai aucun diplôme inférieur ou supérieur dans ce domaine. C'est pour cela que je vous remercie déjà pour votre indulgence envers moi. Bonne et heureuse nouvelle naissance et davantage de consécration spirituelle pour ceux qui sont déjà nés de nouveau en cette nouvelle année. Je suis à Banga Onano. La grande commission, la religion et nous, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Chers amis, le grand ennemi de chacun de nous n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes à travers notre propre chair, avec ses désirs et ses passions qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Jean 6, verset 63 nous dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Dès que nous nous déconnectons de l'Esprit Saint et de ses désirs, nous devenons automatiquement nos propres ennemis envers qui nous sommes presque tous très indulgents. L'esprit de la religion nous enveloppe et nous empêche progressivement de faire les choses selon le dessein de Dieu. Nous commençons à faire les choses par formalité. Nous commençons, contrairement à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, à faire les choses selon nos sens et non selon la parole de Dieu. Romains 8 au verset 5 nous dit pourtant ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous trouvons encore de nos jours quelques-uns de ses serviteurs qui ne cherchent pas seulement à faire ce qui leur plaît, mais à faire ce qui plaît à Dieu et qu'il leur demande de faire. Paul dit dans Galates 1, au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Seigneur Jésus, merci pour ton Église, la vraie, imperturbable, parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, même comme elle est encore en chantier. Quand nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ, nous ne suivons plus notre chair avec ses désirs et ses passions qui sont contraires à ceux de Dieu, parce qu'en tant qu'homme spirituel, nous maintenons permanemment notre chair crucifiée, d'après Galates 5, verset 24. Tout véritable chrétien est un enfant de Dieu, membre de la grande armée qui doit reprendre des mains de l'ennemi toutes les nations, toutes les régions, toutes les cités, tous les villages et toutes les âmes pour en faire des disciples. C'est la grande commission que le Seigneur nous ordonne dans Matthieu 28 à partir du verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela va ensemble avec Matthieu 10 au verset 7 où il leur dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et dans Luc 9 au verset 9, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout ceci ne peut pas être accompli par des personnes qui sont contrôlées par la chair, par le monde ou encore pire, par Satan. Je te dois envoyer prêcher la bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous l'a envoyé prêcher à toute la création. Et cela fait 2000 ans qu'il nous a commissionné pour cela. Et si nous avions obéi à cet ordre selon ses voies depuis si longtemps, cela fait longtemps qu'il serait déjà revenu. Et nous n'aurions certainement pas connu ni Ebola, ni Boko Haram, pour ne citer que cela. Matthieu 24, verset 14, il nous dit, il y a de cela 2000 ans, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si la fin n'est pas encore là, parce que vous et moi n'avons pas accompli la grande commission en prêchant la bonne nouvelle à toute la création pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est pour cela que tout homme né d'une femme doit écouter, croire et vivre au quotidien Christ crucifié et ressuscité des morts pour son salut et sa glorification avec Dieu dans l'éternité. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Chaque vrai chrétien doit donc être un croyant consacré du royaume de Christ et non un croyant consacré de l'Église universelle protestante, pentecôtiste ou romaine, pour ne citer que celle-là. Et ainsi, nous prêcherons tous la bonne nouvelle de Christ et de son royaume, et non la bonne nouvelle du catholicisme romain, du protestantisme ou du pentecôtisme, toutes différentes les unes des autres. Celui qui vous parle ne croit pas à toutes ces choses que les hommes ont créées et sur lesquelles la religion, la chair, le monde et Satan s'appuient tant afin de bloquer ou de tuer la grande commission. Celui qui vous parle n'est pas un prédicateur dénominationnel de la bonne nouvelle, mais je suis un prédicateur du royaume de Jésus-Christ et non du royaume des témoins de Jéhovah que j'allais oublier au passage, après avoir cité les autres partis politiques et religieux dans le christianisme. Je crois au seul parti politique et spirituel unique, celui de Jésus-Christ. Il s'agit de son Église que lui-même bâtit sur le roc de sa parole, c'est-à-dire sur lui-même. Jésus-Christ seul est le rocher des siècles, le fondement de son Église universelle et non discriminatoire de tous ceux qui croient en lui et demeurent dans sa parole jusqu'à la glorification. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela fait environ 2000 ans que cette grande commission a été ordonnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'évangile de Jésus-Christ est donc mondial, c'est-à-dire transculturel et international. Aucun de nous ne doit donc jamais le domestiquer, le régionaliser, le nationaliser ou le tribaliser. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour les villages seulement, ni pour les villes seulement. Si nous avons une mentalité villageoise en ce qui concerne l'évangile de Jésus-Christ, nous n'irons pas loin. Il en est de même pour les évangélistes qui n'ont qu'une mentalité citadine de l'évangile. D'autres encore en ont fait la bonne nouvelle de leur église, alors qu'il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume. Certains parmi nous ont fait de la bonne nouvelle de Jésus-Christ un message pour l'église, alors que tel n'est pas le cas. Et plusieurs ne le prêchent que dans les différents murs de leurs églises partisanes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Elle n'est pas la bonne nouvelle qui doit seulement être prêchée dans les monastères, dans les sanctuaires religieux, dans les cathédrales et les temples, mais aussi et surtout dans les bars, dans les hôtels de passe, dans les boîtes de nuit, dans les loges ésotériques, dans toutes les chefferies traditionnelles, dans nos milieux occultes et tribaux, dans nos écoles et grandes universités, dans les institutions nationales et internationales, dans nos assemblées nationales, dans nos sénats et dans nos palais présidentiels et royaux. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ne doit pas seulement être prêché les dimanches, mais en tout temps et à tous, sans distinction de niveau social, d'âge, de sexe ou de couleur de la peau. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ. » Et 2000 ans après le lancement de la grande commission et la fondation de son église, quand nous regardons au monde entier aujourd'hui concernant le résultat et l'impact de la grande commission, même les aveugles, les sourds et les muets constatent avec nous que quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Parmi les choses multiples qui n'ont pas bien tourné, voici celles qui ont retenu notre attention. D'abord, l'église visible de Jésus-Christ a changé la commission. Au lieu d'exécuter l'ordonnance de la grande commission, l'église est occupée à faire autre chose. L'évangile de Jésus-Christ est devenu un évangile à huis clos, un évangile ésotérique. C'est-à-dire que nous prêchons seulement à ceux qui viennent à l'église, la nôtre. Nous ne prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'à ceux qui se présentent eux-mêmes le dimanche. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui viennent à nous. Alors que c'est nous qui devons en premier aller vers les non-atteints. Et puis, si nous prêchons seulement l'évangile à ceux qui sont déjà des membres de notre église, comment pouvons-nous changer le monde entier en prêchant les mêmes choses seulement aux mêmes personnes? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le monde n'est pas seulement composé de quelques individus qui ont le courage de venir de temps en temps dans nos églises partisanes. Tout cela est dû au fait que l'église a perdu la vision. La vision étant de prêcher l'évangile du royaume dans le monde entier. Et tout ce que fait l'église directement ou indirectement, de près ou de loin, en public ou en privé, doit tendre vers ce seul objectif noble. Chers ministres de Dieu qui écoutez ce message, quelle est votre vision? Cadre-t-elle avec celle du roi de tous les rois? Celle de l'ordonnateur de la grande commission et bâtisseur de son église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais? Si nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création, nous devons avoir une stratégie pour cela. Celle que le maître nous a donnée dans la grande commission. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ doit être prêchée avec puissance. Elle ne doit pas être un objet de divertissement, d'embrigadement ou d'abrutissement. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que nous trouverons des résistances, des oppositions et des dangers qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans tout l'univers. Et à cet effet, Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ceci afin de rendre l'église de Jésus-Christ effective. Nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit si nous n'avons pas nous-mêmes cette puissance en nous. Sans cette puissance en nous, ce n'est que la religion et la sagesse humaine que nous répandrons dans le monde entier. Et cette religion s'appellera le christianisme. Aujourd'hui dans le monde entier, ce que les touristes, y compris les chrétiens, visitent et contemplent, ne sont que les ruines du réveil de l'église primitive. Et vous serez mes témoins. Pas les témoins d'un Jéhovah qui est différent de moi. C'est Jésus qui parle. Nous devons témoigner Jésus. Nous devons être les témoins de Jésus. Nous devons le témoigner en prêchant le même évangile de puissance qu'il a prêché. C'est ce que signifie « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». C'est ce que signifie aussi Jean 14 à partir du verset 12 qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si nous commençons une église et la remplissons d'hommes et de femmes qui n'ont pas la puissance d'en haut, en très peu de temps, nous qui les conduisons ne serons que des chefs religieux qui sont à la tête d'une foule de religieux. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est ni par la capacité, l'habileté, la force et la sagesse humaine. Mais c'est par le seul Esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6. En tant que chef d'une foule de nombreux religieux sans aucune puissance d'en haut, nous aurons nécessairement besoin de vêtements religieux, d'un soutien religieux séculier et temporel immense, afin que nous continuions à paraître crédibles et distingués aux yeux du monde mourant. Voilà le fondement de la religion et de la faillite de la grande commission dans la vision et dans la vie de plusieurs. Un serviteur de Dieu mature et âgé rendait un jour le témoignage suivant. « Quand je fus sauvé en 1968, pendant le réveil qui eut lieu dans mon pays, le Kenya, en Afrique, il n'y avait encore aucun vrai pasteur pentecôtiste qui mettait ou portait le col blanc pastoral. Pourquoi ? Parce qu'en ce temps, en 1968, dans mon pays, le Kenya, le col blanc était encore considéré un vêtement des prédicateurs et des prélats religieux. Mais montre-moi aujourd'hui dans mon pays, le Kenya, combien de pasteurs pentecôtistes qui n'ont pas nécessairement un col pastoral blanc. Certains vont même plus loin, en s'adornant de cannes ou de verges, de tiares, d'accoutrements vestimentaires, de bagues et de sièges ecclésiastiques, pour ressembler au faux apôtre Pierre de la religion, différent du vrai que la Sainte Bible nous présente clairement et qui avait entre ses mains une pagaie, parce qu'il était propriétaire d'une pirogue, qui avait entre ses mains une pagaie et des filets pour pêcher le poisson, et non une canne, une tiare ou un siège apostolique dit de Saint-Pierre. Religion, cousine du mensonge, quand tu nous tiens. Ce sont là les signes d'une église qui devient religieuse parce qu'elle a perdu le pouvoir d'en haut et qui se dote désormais de tous les signes extérieurs et séculiers possibles afin qu'elle continue à se distinguer dans un monde qu'elle a livré à la chair, au monde et à Satan, parce qu'incapable de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Au lieu que l'Église demeure la lumière pour conduire le monde à Christ, c'est aujourd'hui le monde qui conduit l'Église dans les labyrinthes de Satan, son prince, à travers la religion. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et plusieurs, sans aucune expérience des faibles commencements qu'ils méprisent, veulent avoir la puissance et foncer directement jusqu'aux extrémités de la terre, en esquivant Jérusalem, toute la Judée et la Samarie. Chers amis qui écoutent ce message, une sauterelle dans mon village à Yeptan, dans la région du centre, département de la Léquier, demeure une sauterelle, même si d'un seul bond, elle se retrouve à Yaoundé, la capitale, à Pékin, à New York, à Berlin ou à Dubaï. À bon entendeur, repentons-nous et revenons dans la vigne du Maître pour accomplir la grande commission. Sans minimiser ni amoindrir la nécessité de l'importance de l'éducation et de la connaissance dans l'Église, sachant que l'éducation et la connaissance sans la puissance d'en haut ne nous conduiront que vers les marches des multiples sanhédrins religieux qui encombrent le christianisme de nos jours. Si je n'avais pas été à l'école, je serais un illettré incapable de lire la Bible et de vous partager en ce moment ce peu que j'ai moi-même appris des autres. Paul disait à son jeune Timothée, après qu'il ait reçu la puissance d'en haut par l'imposition des mains des anciens, de parfaire sans cesse son éducation pour le seul objectif que la grande commission soit effective et une réussite totale. Oui, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en vérité, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te coûtent. Voilà l'objectif de l'éducation, de la recherche, de la connaissance des serviteurs de Dieu. Mais nous constatons que l'Église aujourd'hui se préoccupe plus non pas d'avoir la puissance d'en haut, que Dieu seul donne, mais d'avoir le plus de diplômes de théologie et séculier possible. Ceci, non pas pour être plus effectif dans la grande commission, comme Paul le demandait à Timothée, mais pour être plus crédible, plus digne aux yeux du monde et de la mouvance religieuse, et surtout pour être facilement éligible comme membre des multiples sanhédrins religieux que nous connaissons dans le christianisme. Chers amis, je vais me permettre de choquer certains parmi nous en nous disant que mieux vaut avoir un ministre de Dieu illettré, mais appelé, choisi, ou un par Dieu et envoyé par lui, que d'avoir à la même place un soi-disant ministre de Dieu bardé de diplômes de théologie, mais que Dieu n'a ni appelé, ni oint, ni envoyé. Aïe, aïe, aïe. Et la faillite de la grande commission aujourd'hui vient du fait que les choses de Dieu sont généralement aujourd'hui entre les mains des personnes qui n'ont aucun mandat du roi des rois, de celui-là seul qui bâtit son église, dont les portes de l'enfer ne prévaut donc point contre elle. Dans la Bible, les Écritures nous disent que les disciples de Jésus-Christ étaient sans aucune instruction, mais ils étaient remplis de la puissance d'en haut et de la vision de la grande commission de leur maître que les chefs religieux de leur temps n'avaient pas. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils furent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est le plus important, avoir été avec Jésus. Si ce sont les dirigeants religieux qui devaient qualifier, qui doivent prêcher l'évangile du royaume à travers les médias de ce monde, afin que toutes les nations soient plus facilement et plus rapidement atteintes, croyez-moi, ils auraient certainement choisi des docteurs en théologie et personne n'aurait choisi celui que vous entendez en ce moment parce que je n'ai aucun diplôme ou certificat de théologie. Mais le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui choisit et personne ne peut rejeter, dit dans Ésaïe 41 au verset 8, « Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrôle interne, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tel n'est pas notre vœu, pour eux, ni pour moi. Parce que le vœu du roi des rois, et que chacun d'entre nous parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi nous qui avons été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, comme Abanga Onana, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avec nos diplômes de théologie, nous pouvons enfin être appelés docteurs, savants en théologie, révérends, sa sainteté, son excellence, son éminence, mon Seigneur. Une fois de plus, cher ami, ne me mécomprenez pas. Nous encourageons l'éducation et son perfectionnement permanent. Mais ce que nous crucifions est la course effrénée à l'éducation pour atteindre des objectifs charnels et religieux. La plupart des pasteurs qui sont rentrés à l'école ne l'ont pas toujours fait pour être plus effectifs dans l'accomplissement de la grande commission, comme Paul le demandait à Timothée, mais dans le seul but d'avoir des promotions et des grades dans la religion, dans le but d'avoir plus de respect religieux dans le monde, exactement comme cela se fait dans nos fonctions publiques et même dans le secteur privé, séculier. C'est pour cela que l'Église de nos jours est devenue plus bureaucratique et administrative que missionnaire et apostolique sur le terrain. Et c'est pour cela que même quand les marabouts, les membres des cercles ésotériques, les membres des autres religions créées et suscitées pour contrer la grande commission occupent les mêmes espaces que nous, nous ne pouvons nous distinguer d'eux qu'en faisant plus de bruit qu'eux. Il paraît qu'au lieu d'avoir reçu les dons du Saint-Esprit pour gagner le monde entier à Christ, c'est celui de faire des vacarmes religieux que nous avons reçus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce qui fait la différence, quels que soient les milieux dans lesquels nous nous trouvons. Et c'est pour cela que, doté de cette puissance, notre Seigneur nous dit, allez, prêchez la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. C'est cela aussi que signifient les paroles du Maître pour vous et pour moi, si nous avons cru en lui. Vous serez mes témoins. À travers les miracles qui nous accompagneront, si nous avons cru. Pas les miracles qui accompagneront les baobas religieux, les bishops, les docteurs, les grands révérends, les papes, les prophètes. Pas les miracles qui accompagneront les diacres, les anciens, les évangélistes et les ouvriers nommés ou établis dans une église. Nous faisons donc toutes ces cérémonies religieuses pompeuses et publicitaires à la recherche des titres honorifiques et des attestations des créances pour que nous continuions à demeurer crédibles ou à survivre, alors que la puissance d'en haut qui devait nous faire produire les fruits de notre reconnaissance en tant que couvriers avec Dieu dans le chantier de la grande commission, nous l'avons perdue en tant qu'Église. Il y a de cela 2000 ans, quand l'Église n'était pas encore religieuse, quand elle était encore cette armée d'hommes et de femmes composée de témoins de Jésus-Christ, remplis par son Esprit Saint, la Bible nous parle de cette église d'Asie mineure qui se trouvait dans la Turquie actuelle. Nous trouvons ceci dans Apocalypse 2 et 3. Mais aujourd'hui, pendant que nous écoutons ce message, la Turquie est devenue le plus grand pays musulman d'Europe. Selon nos sources les plus récentes, nous ne pouvons plus trouver plus de 5000 chrétiens, toutes tendances confondues, en Turquie. La Turquie était à l'époque le premier pays chrétien dans le monde des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, suivi par la Grèce actuelle, qui s'appelait à l'époque Corinthe, Macédoine, Achaïe. La Turquie est aujourd'hui un pays à 99% musulmans. Voilà ce que la religion a fait de la Grande Commission. Au lieu de faire de toute la Turquie des disciples de Jésus-Christ, et étendre cela au-delà de la Turquie, elle en a fait, au contraire, des disciples d'un autre. Et l'Église apostate et religieuse, qui a perdu sa puissance et ses lettres de créance de Jésus-Christ, se plaît désormais dans la traîtrise en déclarant partout, en Turquie et dans le monde, où nous servons tous le même Dieu, quelle que soit la religion, quelle que soit la doctrine, que vous soyez homosexuel ou pas. D'ailleurs, les homosexuels ont beaucoup de choses à nous enseigner. Aïe, aïe, aïe. Chers amis, faisons attention de suivre la mouvance dominante, surtout quand cette mouvance dominante ne demeure pas elle-même dans la parole et ne suit pas Christ, parce que nous avons peur d'être marginalisés par elle. Faisons attention de retourner d'où nous sommes sortis hier grâce à la main puissante de Dieu. Faisons attention de retourner en Égypte. Faisons attention de retourner manger ce que nous avons vomi hier. Paul, l'apôtre des gentils, avait repris le grand et ancien Pierre, le premier pape de certains de nos amis, parce qu'il était hypocrite et parce qu'il voulait plaire aux hommes et non à Dieu. Paul le reprit sévèrement par les paroles suivantes dans Galates 2, verset 18. « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Nous retournons le plus souvent manger ce que nous avons vomi quand nous perdons la puissance d'en haut et sa vision, quand nous cessons de renoncer à nous-mêmes pour porter notre croix afin de suivre Jésus-Christ seul. Et automatiquement, nous recommençons à nous conformer au monde, aux désirs et aux passions de la chair, à la religion, pendant que Dieu ne cesse de nous rappeler à lui par les paroles suivantes dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je suis à Banga, au Nano. La grande commission, la religion et nous. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Pendant que nous mettons l'accent sur les choses temporelles sur lesquelles le monde et la religion excellent plus que nous, telles que la construction de beaux et somptueuses cathédrales, nous abandonnons l'essentiel qui consiste à utiliser la puissance de Dieu en nous pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ à tous, afin de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Oui, nous devons tous investir dans le social, mais dans le seul but que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toute la création, et non pour que nous devenions crédibles aux yeux du monde et de la religion, pendant qu'ils sont en train, sous nos yeux, de faire de toutes les nations des disciples du paganisme, des religions du monde, et à la fin de tout cela, des disciples de Satan. Nous voulons aussi faire comme les autres qui n'ont pas la puissance de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que nous voulons en premier construire les écoles, les hôpitaux, les universités, ce qui est très bon. Mais qui ne fera jamais de toutes les nations des disciples de Jésus? Parce que même les États, les nations, les païens, les humanistes, les politiciens, le font en premier mieux que nous. Mais malgré cela, au lieu de faire de toutes les nations des disciples, ils endurcissent plutôt leur cœur face à l'évangile de Jésus-Christ. Nous connaissons le fameux veto de la laïcité des États et des nations. Malgré les multiples hôpitaux, les multiples écoles, les multiples dispensaires, les multiples centres de santé, les multiples services sociaux qui sont construits et mis à la disposition des populations. Que sert-il donc à toutes les populations, à toutes les nations du monde, de gagner le monde entier, mais en perdant leurs âmes? Dans la grande commission, Jésus encourage le social, mais en tant que priorité secondaire, la première priorité étant de faire de toutes les nations des disciples. Parce que nous sert-il de construire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des centres de loisirs dans tous les quartiers et dans toutes les villes, si à la fin, tout ce beau monde périt, sauf d'avoir écouté et d'avoir cru à l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La religion nous fait tourner en rond au même endroit et nous nous disputons les pupitres, les titres et les postes avec les autres parce que nous n'avons pas reçu ou que nous n'avons plus la puissance d'en haut qui nous ouvre les portes à tous les pupitres vierges, à tous les postes et à tous les titres non occupés dans le monde entier. C'est à cet effet que Paul, rempli abondamment de la puissance et de la vision d'en haut, ne cessait de parcourir le monde, surtout dans des zones non atteintes, afin de prêcher l'évangile du royaume de Jésus-Christ à tous. Romains 15, verset 18. Car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Aucun de nous ne peut commencer avec Jésus dans le chantier de la grande commission et continuer avec lui dans cette grande moisson des âmes consistant à faire de toutes les nations des disciples par la seule prédication de son évangile de puissance, s'il veut être populaire, s'il veut plaire aux hommes et surtout à la religion afin d'être accepté par eux. Et surtout, s'il ouvre d'abord ses portes aux riches de ce monde et s'il les ferme aux moins nantis, comme si cela n'avait pas aussi besoin en priorité d'écouter l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons tous haïr la religion sans Dieu, ses fondements et ses tentacules, plus que nous haïssons le diable. Si je n'ai pas d'autre option, je préfère vivre avec le diable que de vivre avec la religion, parce que je l'ai déjà vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage, et que je sais comment le maintenir sous mes pieds où le Seigneur l'a placé pour toujours. Oui, je préfère choisir de vivre avec le diable que de vivre avec la religion. Le diable est le diable, et en Jésus-Christ, je sais comment le traiter. Mais quand un vautour, un sorcier, une prostituée, un membre des cercles ésotériques, un fumeur de chanvre, un homosexuel, un faux chrétien se déguise en enfant de lumière, cela devient très dangereux pour nous. La Bible dit dans 2 Timothée 3, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Si c'est Satan en personne qui vient me dire, tu es très dur dans tes messages, enlève un peu ton manteau d'évangéliste en y mettant un peu de flexibilité dans tes messages, en changeant de temps en temps ton manteau d'évangéliste pour celui de pasteur. Sinon, les grands de ce monde, les chefs et les dignitaires divers ne viendront pas dans ton église. Je le traiterai facilement, parce que je sais qui il est, je sais que je peux le chasser au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est un chrétien non converti qui me le dit, que ferais-je? Je sais chasser Satan au nom de Jésus-Christ, mais pas les esprits humains. Chers amis, je préfère faire comme Jésus quand Pierre lui avait répondu, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Que de changer mon message, parce qu'il est supposé être dû par la mouvance religieuse. Nous vous conseillons de méditer Jean chapitre 6, du verset 59 au verset 71. Et parce que j'ai un seul maître, celui-là qui m'a dit qu'il sera avec moi tous les jours de ma vie, tant que je ne demeure que dans sa parole et dans sa puissance pour accomplir la grande commission, je choisis de lui plaire en prêchant sa parole qui est un marteau, un feu, un couteau à double tranchant en toute occasion favorable ou non. 2 Timothée chapitre 4 du verset 1 au verset 5. Pour que ce qui était arrivé en Asie mineure et qui avait déclassé les sept églises qui y étaient il y a de cela 2000 ans au lancement de la grande commission ne se produise plus, et pour que la tendance soit renversée en notre faveur, nous devons tous demeurer contre vents et marées dans l'esprit des passages bibliques suivants. D'abord, 1, 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses-là. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, contre la religion et le monde, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci Seigneur. C'est parce que l'Église de Jésus-Christ est devenue progressivement religieuse depuis 2000 ans qu'elle a abandonné le terrain qu'elle devait occuper dans le monde entier à toutes les autres religions humaines contraires ou parallèles à la bonne nouvelle du royaume. Au lieu que ce soit la lumière qui couvre le monde entier par la puissance de Dieu en nous, ce sont les ténèbres qui avancent à pas de géant et la couvrent. Parce que l'Église de Jésus-Christ, en perdant sa puissance, a en même temps cessé d'être la lumière du monde, parce qu'elle s'est compromise en prenant la couleur de ce qu'elle devait convertir. Au lieu de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par la grande commission, toutes les nations deviennent désormais des disciples des ténèbres. Aïe, aïe, aïe. Chers amis, depuis le commencement dans Genèse 1 du verset 1 au verset 4, c'est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce qui n'est pas envahi par la lumière l'est automatiquement par les ténèbres. Parce que les ténèbres sont l'absence de la lumière. Mais malheureusement, le monde n'a plus de repères de valeur, plus de lumière, parce que le sel de la terre et la lumière du monde est devenu elle-même les ténèbres sans saveur. Aujourd'hui, qui est celui qui comprend, compose, aide, informe et finance Boko Haram? C'est le chrétien officiel, celui qui dépend du monde, celui qui a perdu la vision et la puissance de la grande commission. Aujourd'hui, qui est celui qui comprend, compose, aide, informe et finance les villes mortes, qui insulte les autorités établies et prêche la désobéissance civile à la place de l'évangile du royaume? C'est le chrétien officiel, celui qui dépend du monde, celui qui est inspiré, converti et conduit par ce même monde que Jésus l'a envoyé convertir. Celui qui a perdu la vision et la puissance de la grande commission. Le fameux « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» a foutu le camp. La nuit est donc avancée dans le monde entier, en commençant par l'Église. La lumière du monde que la religion a couverte et supplantée. Mais le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que la vraie Église de Jésus-Christ cesse de chercher à plaire au monde et à se courber devant lui et à se prostituer devant lui, qui de toutes les façons ne cessera jamais de la haïr comme il a haï son chef et Seigneur Jésus-Christ. Dès que le monde et la religion commencent à aimer une église et à ne plus l'appeler secte, sachons automatiquement que cette église a perdu la vision et la puissance de la grande commission. Et pour continuer à survivre, quoique morte, le monde et la religion la payent désormais afin qu'elle ne prêche qu'un évangile appelé « Attention d'éliser les majestés de ce monde ». Attention de léser les autorités morales, les grands intellectuels et les grands sages et savants de ce monde. Attention aux crimes de lèse-majesté. Prêchez un évangile unificateur. Nous comprenons mieux pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Parce qu'à cause de lui, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pour cela que plusieurs églises ne croissent plus, ni spirituellement, ni numériquement, ni géographiquement. Et si elles commencent à croître, ce n'est que numériquement et géographiquement en nombre abondant de membres religieux et experts en syncrétisme religieux. Et voilà le fameux « Fête de toutes les nations des disciples » qui fout le camp au profit de « Fête de toutes les nations des morts vivants cheminant à pas sûr en enfer ». Alors qu'ils sont tous membres d'une religion dans ce monde. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'importe le nom que tu as, si tu as la vision et la puissance de la grande commission, et si tu l'utilises selon le mode d'emploi du maître, alors tu es crédible, tu es dit, tu es respectable, tu es plus que vainqueur, tu es ami de Dieu. Tu es roi ou reine. Que toutes les forces religieuses, occultes et mensongères, que tous les agents de Satan parmi nous et autour de nous, travaillant contre le réveil dans le monde entier, opérant contre la grande commission et contre ses ouvriers fidèles, soient immédiatement exposés, déchus, paralysés et couverts par leurs propres ténèbres. au nom de Jésus-Christ qui nous a mandaté et envoyé. Amen. Au nom de Jésus-Christ qui nous a commissionné dans le monde entier, nous chassons au loin tous les démons religieux parmi nous et contre nous. Mouillons donc le maillot sur le terrain de la grande commission sans exiger un salaire ou un positionnement quelconque, comme l'apôtre Paul le faisait. Mais ne courons pas à la recherche de postes comme les fils de Zébédée dans Marc 10 au verset 35. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle du royaume au monde entier, nous passons notre temps, pendant que la religion et Satan gagnent du terrain, nous passons du temps à adorer les noms, les titres et les positions. Nous passons le temps à nous combattre et à nous autodétruire pendant que la religion et le monde se serrent les coudes. Nous passons le temps en intelligence avec l'ennemi de la grande commission pour fermer ou pour brouiller les quelques médias chrétiens qui étendent la bonne nouvelle du royaume plus vite et plus loin que nous. Comment les personnes qui ne sont pas prêtes à mourir au péché et à eux-mêmes peuvent-elles vouloir s'asseoir à la droite ou à la gauche de celui qui les invite d'abord à achever avec lui la grande commission qu'il a commencée? Et vous serez mes témoins, une fois de plus. Un témoin est toute personne qui peut donner des évidences sur la chose ou la personne dont elle est le témoin. Où sont donc en nous les évidences qui prouvent que nous sommes les témoins de Christ dans ce monde auquel nous faisons allégeance? La réponse se trouve dans Marc 16, à partir du verset 15. Les évidences. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les évidences. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et dans Jean 14, à partir du verset 12, nous cherchons les évidences. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait, afin qu'Abondance sache qu'il doit faire les mêmes œuvres? Matthieu 4, à partir du verset 23, nous montre ses œuvres. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, ouais, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia! Voilà les mêmes évidences que nous devons donner dans le monde entier si nous sommes vraiment ces témoins, les témoins de Jésus-Christ. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà les évidences que nous devons donner dans le monde entier si nous sommes vraiment les témoins de Jésus et non en cherchant avant tout pour que nous soyons connu et reconnu par les Nations Unies, et pire encore, par la communauté dite internationale. Quelle pitié! Nous sommes les témoins de Jésus quand nous prions comme il priait. Parce qu'aucun de nous ne peut même pas faire d'un village ou même d'une famille de disciples s'il passe son temps à prier en dormant ou à réciter des prières religieuses et non scripturaires. Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La tentation de s'affilier au monde au lieu de faire de toutes les nations des disciples. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Sans une vie de prière fervente et de juste, nous ne pourrons pas conquérir le monde pour Jésus. Parce que des principautés, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres nous y attendent de pied ferme. C'est en veillant et en priant que Jésus avait été fortifié pour aller jusqu'au bout, jusqu'à triompher. Mais malheureusement, c'est le contraire que l'Église fait dans le monde aujourd'hui. Si nous sommes des serviteurs de Dieu que les démons ne connaissent pas en tant que tels, C'était le cas des fils de Séba dans Acte 19. Alors, nous ne pouvons pas faire de toutes les nations des disciples. Jésus n'a jamais fondé ou commencé une religion comme le font tous ses adversaires et tous ses ennemis et tous ses concurrents. Mais il dit dans Matthieu 16, à partir du verset 18, qu'il bâtira son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il dit qu'il donnera les clés du royaume à tous ceux qui ont cru en lui, qui ont renoncé à eux-mêmes pour le suivre. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà les évidences de la grande omission. C'est-à-dire les évidences qui montrent que nous sommes en réalité les témoins de Jésus-Christ dans le monde entier. Soyons choisis, équipés, envoyés par Dieu et demeurons consacrés à lui et pour lui. Et comme pour le roi Salomon en son temps, concernant la construction de la maison de Dieu, la grande commission sera la plus grande entreprise réussie de tous les temps. 1 Roi 7, verset 21. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Jacquin signifie « il établira, il affermira ». Et Boaz signifie « en lui la force ». Qu'est-ce que cela signifie ? Chers amis, écoutez-le très bien. Celui qui vous parle en ce moment a été appelé, choisi et équipé par Dieu. Il y a de cela un quart de siècle pour qu'il aille établir et affermir en recevant lui-même sa force rien que de Dieu. Il s'agit de la puissance d'en haut dont nous parle Acte 1 au verset 8. Tant que je demeure fidèle à cela, la grande commission réussit dans ma sous-section. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que la même chose vous soit faite. Après avoir changé la commission, l'Église a rétrogradé. L'une des manifestations des rapports incestueux entre l'Église de Jésus-Christ devenue apostate et le monde est la prolifération des faux prophètes qui, au lieu de faire de toutes les nations des disciples, font plutôt de toutes les nations des religieux christianisés et demeurant non convertis. Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Il est impossible qu'un mauvais arbre accomplisse la grande commission en faisant de toutes les nations des disciples, c'est là, aucun mauvais arbre ne peut porter ses bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est grâce à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à nos fruits que nous serons reconnus si nous sommes les vrais ouvriers pour faire de toutes les nations des disciples ou alors si nous sommes des mercenaires pour égorger, dérober et détruire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, voilà l'esprit de la religion à qui presque tout le monde déroule le tapis rouge. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est que nous fassions de toutes les nations des disciples en leur prêchant la bonne nouvelle du royaume qui est l'évangile de Jésus-Christ, qui lui-même est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous ne pouvons le faire qu'en recevant nous-mêmes la puissance d'en haut. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Voilà maintenant le contraste. Dans la religion, nous avons ceux qui hier étaient un avec Jésus, qui sont retournés manger ce qu'ils ont vomi hier. Et quand ils sont partis, ils sont partis avec les dons de prophétie que le Seigneur leur avait donnés afin qu'ils fassent de toutes les nations et disciples. Ils sont partis avec la puissance de chasser les démons au nom de Jésus-Christ et de faire beaucoup de miracles comme nous l'avons lu dans Marc 16 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Mais le problème est qu'ils ont perdu la vision. Ils se sont compromis. Ils ont rétrogradé. Maintenant, ils se servent des dons de puissance que Dieu leur a donné pour servir la religion. Et quel est le diagnostic final du maître? Alors il leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aïe, aïe, aïe. Après avoir refusé de faire la volonté du Père qui est dans les cieux, après avoir laissé la multitude de toutes les nations s'acheminer à pas sûrs en enfer, faute d'avoir fait d'eux des disciples de Jésus-Christ, voilà eux-mêmes leur salaire. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que je vous redemande le sang de toutes ces nations-là que vous avez laissé cheminer en enfer. Parce que vous ne leur avez pas prêché la bonne nouvelle du royaume, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au fait, quelle différence y a-t-il en réalité entre un chrétien non né de nouveau, non converti, et un non-chrétien? Aucune. Alors, nous terminons ce message en posant cette question à chacun de nous. Es-tu sauvé? Es-tu né de nouveau? Parce que d'après 2 Corinthiens 13 au verset 5, l'Écriture nous amène à nous examiner individuellement afin que chacun de nous sache s'il est dans la foi ou non. Es-tu sauvé? Es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas sauvé, alors tu es disqualifié pour être ouvrier avec le Seigneur Jésus-Christ dans la grande commission. C'est par les fruits que tu produis, c'est par les fruits que je produis que nous saurons si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes sauvés ou pas. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu produis les fruits dignes de la repentance, d'après Matthieu 3, verset 8, ou alors tu produis les fruits qui t'accréditent auprès du monde et de la religion? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les fruits que tu produis viennent de la semence que tu as dans ton intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Es-tu né de nouveau? Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ le disait à un religieux, bardé de diplômes et même sincère, mais qui était incapable de faire de toutes les nations des disciples, parce qu'il n'était qu'un religieux. Il ne connaissait même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Alors comment pouvait-il faire de toutes les nations des disciples? Chers amis, à cause du temps, nous sommes obligés de nous arrêter à ce niveau. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ de faire avec nous cette prière pour que, un, si vous n'êtes pas encore sauvé, que vous le deveniez tout de suite. Et si vous avez été sauvé hier et que vous avez rétrogradé, que vous puissiez immédiatement retrouver la joie du salut et la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, tout est accompli. Dieu n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Pour vous que nous saisissions sa pêche pendant que nous sommes encore physiquement vivants dans ce monde, pendant que nous pouvons encore écouter ce message comme nous l'écoutons en ce moment. Si vous voulez vous réconcilier avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où vous êtes, baissez votre tête et priez avec moi. Dites seulement, Père céleste et Dieu tout-puissant, je te rends infiniment grâce pour cette visitation divine que tu viens de m'offrir à travers ce message. De tout mon cœur, je me repens de tous mes péchés et je me prosterne au pied de la croix de Jésus pour confesser que tu as ressuscité Jésus-Christ des morts. Et de ma bouche, je confesse qu'il est désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie une fois pour toutes et ne me laisse jamais plus te quitter. Remplis-moi par ton Esprit Saint afin que, dès maintenant, que je travaille avec toi pour faire de toutes les nations des disciples. Merci parce que tu m'as exaucé, Seigneur Jésus.